Et là, on va passer maintenant un entretien avec l'avocate rouennaise Chloé Chalot sur la question justement qu'on a évoquée tout à l'heure des amendes abusives qui sont adressées pour non-respect du confinement, notamment aux sans-abri, ou bien des amendes abusives plus généralement pour courses non conformes selon la police. Ça dure 17 minutes. Mais c'est pas prêt, je m'excuse. Il reste encore 20 secondes pour décompresser le son. Eh ben, c'est pas grave. Bah, du coup, je peux renvoyer avant au site Mars Info qu'on a déjà cité tout à l'heure, mars-info au pluriel.org. Il y a dessus un bon article, comment contester une amende pour non-respect du confinement. Donc, je vous y renvoie pour avoir des infos pratiques. L'idée de base, c'est qu'il ne faut pas payer une amende qu'on va contester après. En fait, si on la paye, elle est considérée comme reconnue. Enfin, le délit ou le est considéré comme reconnu. Du coup, ne payez pas l'amende. Et ensuite, bah, je vous renvoie du coup à mars-info.org pour plus de précisions. C'est parti. Je vous laisse vous présenter. Oui, alors je m'appelle Chloé Chalot, je suis avocate au barreau de Rouen depuis 2016. Je travaille principalement en droit pénal et assez spécifiquement sur les questions de liberté publique et notamment pas mal sur les manifestations, les mouvements urbains, les personnes qui sont blessées en manifestation notamment, entre autres. Ok, vous avez eu pas mal de boulot dernièrement, quoi. Ouais, c'est ça. Ces dernières années, j'ai plutôt eu du travail. Et malheureusement, avec le mouvement des Gilets jaunes, j'ai eu énormément de travail sur la question des personnes qui ont été blessées par des LBD ou des grenades. Ouais, parce que les manifs sur Rouen, avant qu'il y ait les manifs pour la réforme des retraites, où en gros les Gilets jaunes se sont associés à l'intersyndicale, avant ça, ils étaient un peu tout seuls et toutes seules sur le terrain pendant pas mal de temps. Et puis, ça castagnait assez dur, quoi. Oui, ça a été des conditions de manifestation qui ont été très difficiles, notamment à la fin de l'année 2018. Oui, c'est ça. La manifestation du 29 décembre 2018, il y a beaucoup d'armes qui ont été utilisées, notamment des grenades. Il y a plusieurs personnes qui ont été blessées par des grenades à Rouen à cette date-là. Les enquêtes sont toujours en cours, malheureusement. Et dans les circonstances d'interpellation aussi, on a eu beaucoup, beaucoup d'interpellations assez violentes. Donc voilà, ça a été des manifestations très compliquées. Oui. Il y a des personnes qui sont actuellement emprisonnées ou en attente de jugement sur ces manifs de Gilets jaunes, d'ailleurs Pas dans mes clients. D'accord. Pas dans mes clients. À Rouen, j'ai encore quelques procès en attente, mais pas de personnes incarcérées. Les incarcérations, c'est plutôt, en tout cas pour les situations que j'ai eu à traiter, dans d'autres villes. D'accord. Bon, et là, avec le confinement, vous n'êtes plus occupé par les gilets jaunes. Mais on espère bien que... Enfin, j'espère pas que vous allez être réoccupé, mais j'espère bien que les manifs repartiront après. Mais en tout cas, c'est pas la... Il n'y a pas de pause pour autant, parce que la police a trouvé une nouvelle manière de vous occuper en donnant apparemment... En continuant à donner pas mal d'amendes aux personnes sans abri pour non-respect du confinement, si j'ai bien compris. Alors, c'est des situations qui ont été portées à ma connaissance. Pour l'instant, je n'ai pas de saisine officielle dans la mesure où il n'y a pas encore de personnes, notamment de personnes sans domicile fixe, qui ont reçu d'amende et qui peuvent juridiquement les contester. Pour l'instant, je n'ai pas encore pu faire le travail juridique en lui-même de contestation des amendes. Néanmoins, plusieurs personnes, et notamment des travailleurs sociaux, des personnes qui font les maraudes, qui amènent des repas chauds tous les jours aux personnes qui sont dans la rue, ont pu me rapporter que certains d'entre eux avaient été verbalisés pour non-respect du confinement, à plusieurs reprises pour certains, ce qui s'apparente quand même un petit peu à de l'acharnement, alors même que matériellement, évidemment, le confinement n'est pas possible pour eux du fait de leur situation sociale et économique. Donc, c'est des situations au-delà des abus de verbalisation qui commencent en tout cas à être un petit peu rapportées par les médias. C'est des situations dont j'ai pu avoir connaissance à Rouen. Oui, et on en a entendu parler un petit peu au début du confinement, notamment parce que à Paris, il y a pas mal de personnes qui ont élevé de la voix contre ça. Du coup, le gouvernement avait même fait un point en disant que il allait de soi que les SDF n'allaient pas être verbalisés pour non-respect du confinement, mais c'est pas arrivé jusqu'aux oreilles de certaines unités de police, apparemment. Oui, manifestement, ça semble pas être la même chose sur le terrain, et c'est un peu le problème de cette loi. Enfin, c'est un peu le problème des dispositions là qui ont été adoptées pour faire respecter le confinement, avec l'instauration de cette nouvelle infraction qui prend la forme d'une contravention, en tout cas pour les premières verbalisations. C'est que le gouvernement a défini les situations dans lesquelles il était possible de sortir de chez soi. Avec cette fameuse liste qui est reprise dans l'attestation qu'on doit tous signer pour pouvoir aller faire nos courses, avec quelques motifs d'exception au confinement. Néanmoins, ces motifs sont suffisamment larges et suffisamment soumis à interprétation pour que finalement, ce soit la police qui ait la responsabilité de les faire appliquer et qui décide un petit peu de ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Et ça ouvre nécessairement la porte aux abus. Le texte en lui-même, la façon dont le texte a été fait, ouvre complètement la porte à l'arbitraire policier. Oui, parce que normalement, c'est pas le rôle de la police d'interpréter la loi, son rôle, c'est de la faire appliquer, simplement. Tout à fait. La loi est censée être précise, stricte et déterminée. Là, en l'occurrence, c'est à la police d'interpréter qu'est-ce qu'un achat de première nécessité, qu'est-ce qu'un motif familial impérieux, est-ce qu'on a le droit de sortir pour s'acheter des protections périodiques ou est-ce qu'on a le droit uniquement de sortir pour s'acheter des petits pois. Tout est soumis à l'appréciation de la police et on a plein de situations qui sont complètement... C'est pas une situation que j'ai eu à connaître, mais par exemple une journaliste m'a rapporté que elle a eu connaissance d'un cas de verbalisation d'une femme qui était sortie pour acheter des couches à son enfant, et la police qui l'avait contrôlée à ce moment-là, ou la gendarmerie d'ailleurs, je ne sais pas exactement, lui avait indiqué que c'était pas un achat de première nécessité parce que avant de sortir pour acheter des couches, elle aurait pu utiliser un torchon. D'accord, oui. On peut revenir effectivement au Moyen-Âge et puis... Donc tout est interprétable dans un sens comme dans un autre et ça permet toute interprétation possible et c'est bien ce que je reproche aujourd'hui à cette contravention, c'est qu'elle dépend complètement des policiers, ce sont les policiers qui font la loi. Oui, j'avais entendu d'ailleurs dans un reportage qui était passé sur La Centrale la semaine dernière, un reportage de Farida Taher sur une association d'aide aux sans-abri à Paris, que cet asso, elle établissait un papier sur lequel elle disait, elle justifiait en fait la présence de sans-abri dans le quartier par le fait qu'elle distribuait des repas très régulièrement. Et le directeur de l'asso concluait, quand on tombe sur des policiers compréhensifs, ça marche. Mais voilà, ça dépend, la phrase dit bien ce qu'elle veut dire, quoi. Ça dépend de la bonne volonté de la police. Et quand il y a manifestement beaucoup de mauvaise volonté, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Ouais, tout est soumis à la bonne volonté, à la bonne humeur, à la compréhension, au rapport de force, à la discussion, probablement aussi à la capacité, sociale de s'exprimer. On voit qu'il y a plus de verbalisation dans certains quartiers que dans d'autres. C'est très regrettable. Et donc au niveau juridique, comment est-ce que vous pouvez contester en fait ce genre d'abus de verbalisation ? Alors ces contraventions, c'est comme des contraventions de stationnement finalement, comme des abus des excès de vitesse. C'est des contraventions qu'on reçoit chez soi sous la même forme que les autres contraventions. Avec un avis contravention minorée, contravention majorée, etc., avec un formulaire de contestation. Donc chaque personne, quand elle reçoit ensuite, quelques semaines plus tard, la contravention dans sa boîte aux lettres, peut la contester directement tout seul par l'intermédiaire du formulaire. Il ne faut par contre surtout pas la payer. Payer une contravention revient à reconnaître la réalité de la contravention. Donc si une personne estime qu'elle a été verbalisée de façon abusive et qu'il n'était absolument pas légitime qu'elle soit verbalisée pour cette contravention, il ne faut absolument pas la payer. Il faut remplir ce formulaire ou solliciter un avocat pour faire une contestation par l'intermédiaire d'un avocat, mais il ne faut absolument pas régler la contravention, et tout le processus de contestation est normalement bien expliqué au dos de la contravention. Il n'y a pas de difficulté. D'accord. Et est-ce que les associations ou autres collectifs de soutien ont quelque chose à faire pour aider à éviter ce genre de situation ? J'imagine qu'une certaine aide matérielle pourrait être pertinente pour aider les personnes à rédiger leur contestation de contravention. Je ne sais pas si les collectifs se sont constitués en ce sens ou ont proposé leur aide à ce stade. Je n'en ai pas connaissance. En tout cas, c'est une piste possible. C'est une piste qui est possible et qui peut être intéressante pour éviter l'isolement des personnes et que repose sur eux ensuite toute la charge, tout le poids déjà administratif de la contestation et ensuite éventuellement la charge financière. Là, au-delà de cette question des contraventions abusives, il y a un état de droit assez nouveau qui s'est institué en France et puis dans d'autres pays en raison du confinement. Est-ce que vous assurez une veille là-dessus ? Je parle de vous, mais peut-être aussi d'une coordination d'avocats et d'avocates qui se saisiraient, en fait, qui surveillerait les évolutions du droit en ce moment en raison du confinement ? Alors c'est une période qui juridiquement est complètement complètement chargée puisque des décrets, des ordonnances sont adoptées tous les jours pour faire face à la situation inédite dans laquelle nous sommes. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de syndicats, d'avocats, de collectifs, de juristes, de professeurs de droit, de collectifs de magistrats notamment qui sont très attentifs aux nouvelles dispositions qui sont adoptées en fonction des domaines puisqu'il y a des lois dans tous les domaines et qu'il y a des recours qui sont faits, des veilles juridiques qui sont faites pour vérifier que tout ça respecte bien les droits fondamentaux. Moi, j'y suis, à titre personnel, très attentive parce que c'est des questions de liberté publique qui m'intéressent beaucoup. Donc, j'essaye de beaucoup m'informer là-dessus et de beaucoup lire là-dessus. C'est pas moi, néanmoins, qui suis spécialiste en droit constitutionnel et qui pourrait donc vous éclairer sur l'état d'urgence sanitaire en lui-même parce qu'il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour ça. Néanmoins, pour les domaines qui me concernent, qui sont mon activité professionnelle quotidienne, le droit pénal, la procédure pénale, les prisons, ce genre de choses. Il y a des nouvelles dispositions qui ont été adoptées dans ces dernières semaines qui sont très très inquiétantes. On est en train de vivre une situation qui est vraiment problématique en termes de liberté publique, auquel il faut être vigilant. On a notamment la question qui cristallise beaucoup de tensions actuellement dans le milieu du droit, des détentions provisoires des personnes qui sont en attente de jugement et de la prolongation pour certains. Puisqu'il y a différentes interprétations du texte, mais automatique des mandats de dépôt, donc des personnes qui se retrouvent automatiquement privées de leur liberté pour 6 mois supplémentaires, c'est absolument dramatique. Sans ce qui est automatique, ça signifie sans jugement contradictoire, comme normalement ça Exactement. Se fait. Exactement. C'est toute la difficulté, c'est qu'une loi d'adaptation à la procédure pénale, une ordonnance d'adaptation a été prise pour s'adapter au fait que nous sommes tous confinés les uns chez les autres et que nous ne pouvons pas nous rendre tous les jours au palais de justice et plaider nos dossiers. Donc il y a forcément des aménagements qui sont faits et qui sont indispensables. Néanmoins, sur la privation de liberté, c'est pas possible. On peut absolument pas s'en satisfaire. Et donc cette ordonnance prévoit des dispositions sur la prolongation des détentions provisoires. Il y a différentes interprétations du texte qui sont possibles et les interprétations les plus attentatoires aux libertés que certaines juridictions ont adoptées sont pour nous avocats absolument scandaleuses. Et elles sont non seulement évidemment complètement scandaleuses, mais assez contradictoires. Enfin, on n'est pas à une contradiction près en ce moment dans le discours de l'État, mais très contradictoires avec le discours qui reconnaît, plutôt malgré que bon gré, la nécessité de vider les prisons actuellement, étant donné la mise en danger des détenus que représente l'enfermement forcé, entassés les uns sur les autres. C'est absolument contradictoire. Les prisons françaises sont complètement surpeuplées. Il y a un taux de surpopulation qui fait que l'encellulement individuel, qui est pourtant censé être la règle pour préserver la dignité des personnes, est impossible en droit français. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France le 30 janvier 2020 à cause de la surpopulation carcérale et des conditions d'incarcération des détenus, et a enjoint la France à trouver des solutions rapidement pour remédier à cette situation. Évidemment, en plus, au vu du contexte sanitaire, il faut absolument baisser l'occupation des prisons pour qu'un minimum de gestes sanitaires élémentaires et de gestes barrières puissent être respectés. En l'état, c'est absolument impossible. Je vois pas très bien comment trois personnes qui sont enfermées en cellule, dans une cellule de 9 mètres carrés, peuvent respecter des gestes barrières. C'est strictement impossible. Et d'autant... Évidemment que le mouvement est à la baisse de l'incarcération, et pourtant, même si des dispositions ont été adoptées en ce sens, on instaure par exemple un délit de confinement, de violation du confinement, qui est puni d'une peine d'emprisonnement. C'est complètement absurde. Pour faire respecter un impératif sanitaire, on condamne des gens à intégrer des prisons dans lesquelles l'impératif sanitaire ne peut pas être respecté. C'est le serpent qui se mord la queue. Oui. Et d'autant qu'en fait, les témoignages des prisonniers et des prisonnières, qu'on peut notamment entendre, il y a une émission L'Envolée qui fait une émission tous les. C'est une très bonne émission. Voilà, qui fait une émission tous les jours sur FPP, qui est rediffusée un peu partout sur la situation, qui fait sortir des témoignages. En fait, les détenus disent très très justement que le coronavirus, il peut pas venir d'eux, il vient forcément de l'extérieur, et les personnes qui arrivent de l'extérieur, ce sont les matons et les matones, quoi, et que eux en fait sont complètement laissés, complètement démunis par rapport à ça. Et qu'il n'y a pas de, il y a pas suffisamment, enfin je crois que je ne suis pas retournée en détention depuis le début de la crise, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il s'y passe. Néanmoins, aux dernières informations que nous obtenions, les surveillants pénitentiaires n'avaient pas de masque, ils n'avaient évidemment pas suffisamment de gel hydroalcoolique. C'est évident que c'est une bombe sanitaire, ces prisons françaises, que la population à l'extérieur n'est pas encore au pic de la crise, et que le pic de la crise n'est pas encore parvenu en détention, mais quand il y parviendra, ça sera terrible. Oui, c'est comparable à la situation dans les EHPAD où les personnes ne peuvent pas bouger pour de toute autre raison. Mais du coup, il y a une promiscuité forcée qui les rend vraiment vulnérables à ce virus, quoi, à cette propagation. Tout à fait. Très inquiétant. Et à Rouen, d'ailleurs, on peut aussi, moi, c'est ce qui m'a pas mal frappé, c'est que les détenus de Rouen s'étaient déjà mobilisés il y a quelques mois au moment de l'incendie de Lubrizol, une usine de produits de dérivés pétrolifères qui a explosé et qui était pas loin de la prison de Rouen. Et les détenus ont été laissés en prison, et c'était des odeurs absolument nauséabondes. Même quand on était beaucoup plus loin, ça restait nauséabond. Et en fait, eux, ils étaient exposés en permanence, sans qu'il y ait eu aucun changement, aucune mise à l'abri, aucune évacuation d'aucune sorte. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Juste que j'encourage toutes les personnes à ne pas prendre comme une fatalité les verbalisations dont ils pourraient faire l'objet, et à se saisir des moyens de contestation qui sont finalement assez simples, à éventuellement collecter des preuves sur le moment du motif de leur sortie pour pouvoir ensuite ultérieurement contester les amendes qu'ils recevront dans leur boîte aux lettres, et à ne pas hésiter à se renseigner sur ces verbalisations pour faire valoir leurs droits. Ben, merci beaucoup. Ben, je vous en prie, bon courage. Oui, merci. C'est dur. On écoutait Chloé Chalot, avocate des libertés publiques, qui nous donnait des nouvelles de l'inhumanité de notre société. Les conséquences de cette société inhumaine se multiplient vraiment chaque jour. Et on a des histoires sordides. Par exemple, la mairie de Paris a coupé les points d'accès publics à l'eau dans plusieurs endroits. Donc ça prive les sans-abri d'un accès évidemment à l'eau potable, et puis d'une possibilité de faire une toilette très sommaire. Donc il y a le collectif de La Chapelle en Lutte qui invite à inventorier les fontaines et à essayer de les réouvrir et ensuite à alerter la mairie sur leur fermeture. Il y a les contrôles policiers partent vraiment dans tous les sens et c'est pas le début hein, de cette histoire entre la police et certaines catégories de personnes en France. Ces derniers jours, il y a des choses très graves qui sont déroulées. Il y a une fillette qui a été blessée par un tir de LBD à Chanteloup-les-Vignes. Voilà, il y avait un affrontement entre des policiers et une cinquantaine de personnes je sais plus exactement, mais à Chanteloup-les-Vignes. Il se trouve que la fillette se baladait avec ses deux parents. Elle a pris un tir de LBD dans la tête. Elle est dans le coma. Voilà, apparemment, elle est sortie du coma récemment, mais c'est dur. Ses parents, leurs paroles, ils ont quand même réussi à ramasser la cartouche de LBD. Mais leur parole est mise en doute. Tout ce qu'on peut lire, c'est selon leur dire, selon le récit des parents, etc., etc. Et il arrivait encore pire, encore un mort de la police. Il y a un homme de 34 ans, un SDF, qui a été interpellé pour non-respect du confinement. Il semblerait qu'il ait été mis en position avec une clé de bras, là, une clé d'étouffement, comme savent le faire les forces de l'ordre. Pratique dangereuse sur laquelle on essaie d'interpeller régulièrement à la centrale et dans beaucoup d'endroits. Puisqu'en fait, arrivé au commissariat, il s'est évanoui. Il y a les policiers et les pompiers qui ont essayé de le réanimé pendant 45 minutes, mais il est décédé. Voilà, il s'appelait Mohamed Elmi Gapsi. Zia Debouna, Rémi Fraisse, Adama Traoré, Aboubacar Fofana, Zia Bredouane, Steve Canisso, Cédric Chouvia, Mohamed Elmi Gapsi. On vous oublie pas. Et on n'est pas les seuls à pas vous oublier. Je vais vous passer un petit son d'une rappeuse nantaise à propos de la mort d'Aboubacar Fofana. Situation particulièrement tendue, les policiers parlent de légitime défense, des témoins avancent. Les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène contre des manifestants qui voulaient venger la mort d'Aboubacar Fofana. Alors, eh bien, l'urgence aujourd'hui, c'est de connaître les raisons de cette mort. Nos premières pensées vont à ce jeune homme, à sa famille, aux habitants de ce quartier. Et la priorité aujourd'hui, c'est le retour au calme. Hey, la ville est enflammée, que toute la France vienne éconder. Après les têtes sont brûlées, sur BFM on n'entend pas les jeunes des quartiers. Feu aux antennes télévisées, vous racontez que de la merde. Aboubacar s'est fait tuer par un tir à galerie. Eh, j'ai la haine mais pas autant que sa famille. Je suis végé mais je veux voir les poulets retirer. Niquer leur face de Robocop, les démembrer brutalement sans vergogne. Ah ouais, on tire sur les gens comme ça. Le préfet ment sur la version des faits. Urgemment faut que se bouge l'état. Usage d'armes n'est pas usage de jouer. Brûler des caisses c'est pas anodin. Vous croyez vraiment que tout va bien? Le keuf a menti, je l'ai appris ce matin. Dans nos marches, ça résonne à cap. Dans nos têtes, ça résonne à cap. Dans nos cœurs, ça résonne à cap. Dans nos milliards, trop de gravats. Ziyed, Bouna, Rémi, Adama, Fik, relaxé, rage embrasée. Pas de justice, pas de paix. Trop de misère, peu de baisse. Zadis, Donard, jeune de test. Tous unis pour foutre la merde. Dans leurs armes, pleines de hyènes. Marque la mort, soit en peine. Je veux pas faire de bise sur le dos de la haine. Mais je pourrais écrire des kilomètres de lignes droites sur le fruit de ma peine. Tellement les dirigeants brisent nos rêves. Pape tout renoir, rebeu, même combat. Privilégié par ma couleur de peau. Je dis toujours pas ce que disent les journaux. Lucide à fond sur ce qui se passe autour de moi. Racisme ordinaire ou racisme d'état. Se mettre à la place et pas prendre la place. Laisser les opprimés parler de leur histoire. C'est comme ça que devrait penser la masse. Dans nos marches ça résonne à cap. Dans nos têtes ça résonne à cap. Dans nos cœurs ça résonne à cap. Dans nos vies y a trop de ravages. On écoutait Nouge avec son titre Braille qu'on peut retrouver dans le documentaire À nos corps défendants qui est sorti sur les violences policières et notamment sur les violences policières dans les quartiers populaires, qu'on vous invite à aller voir. Il était disponible gratuitement en ligne sur Internet aujourd'hui. J'ai pas réussi à le trouver, donc j'espère qu'il va réapparaître bientôt à nos corps défendants. Allez, une ou deux nouvelles de quoi nous donner encore un petit peu de rage, d'énergie et d'envie de combattre. Il y a 140 établissements pénitentiaires en France à l'actuelle qui ont mis des ateliers en place, des ateliers de couture de masques par les détenus, payés 6 euros de l'heure. Et donc, il y a une capacité de production à l'heure actuelle de 5000 masques par jour par les détenus de France. Donc, 80% vont au personnel hospitalier et le reste aux surveillants pénitentiaires. Et bien sûr, la majorité des détenus continuent à vivre dans la promiscuité et sans le moindre masque. Voilà, j'ai plus le courage. Quelqu'un veut reprendre ? Ouais, on est là. Ouais. On est là, on lâchera rien. On lâche rien. Vous écoutez la centrale et vous écoutez encore, en fait, on va enchaîner avec le plateau de nos camarades nantaises et notre camarade de Talensac. Le bruitagène va rentrer en force pour faire 3 heures d'antenne jusqu'à 21h, restez à l'écoute Et je sais pas, on n'a même pas prévu de petit son pour la fin ou on continue à parler jusqu'à ce que ça passe. Bah, on peut rappeler le projet hein, qui est simple. L'idée, c'est d'ouvrir nos antennes, notre capacité à faire de la radio, à tous vos témoignages. N'hésitez pas, quel qu'il soit. Donc pour ça, plusieurs possibilités. Le téléphone, et on n'a pas eu de coup de fil en direct aujourd'hui. On le regrette beaucoup. On préfère largement avoir des coups de fil et puis chambouler notre antenne. Le téléphone, c'est le 09 50 39 67 59. Vous pouvez également nous contacter par mail, envoyer un son, un message, un texte à lire, un article qui vous semble intéressant. allo@acentrale.org sur lequel on a un chat également qu'on consulte pendant l'antenne. Et vous pouvez nous envoyer des messages qu'on relaie. On laisse l'antenne à nos camarades nantaises et on vous souhaite bon courage à tous. Is that it tells us something very important. Something that we need to remember at this moment when so much is at stake. It teaches us that if we want responses to this economic crisis that leave us with a world that is healthier, that is more just, that is more peaceful, we are going to have to go out there and make them do it. La Centrale.